S'il est un paradis, il est ici. Ainsi s'exprimait au XVIIIe siècle l'empereur moghol Jahangir en évoquant le Cachemire, ce malheureux pays qui vient d'être frappé par un terrible séisme, l'une des plus grandes catastrophes naturelles des temps modernes dont le bilan humain peut encore s'aggraver, car maintenant, c'est le froid qui risque de tuer les survivants. Malheureux pays, oui, car ce paradis sur terre, célèbre pour ses jardins et la splendeur de ses paysages, est ravagé depuis plus d'un demi-siècle par une impitoyable guerre. Un conflit lointain, dont on parle peu, mais qui a déjà provoqué des dizaines de milliers de morts et qui est à l'origine des conflagrations qui ont opposé l'Inde et le Pakistan. Ces deux puissances se disputant la possession de ce territoire, grand comme la moitié de la France, et enfoncé comme un coin dans le massif de l'Himalaya. Paradoxalement, le tremblement de terre, avec sa cohorte de morts et de naufragés du froid, a permis un rapprochement entre les deux pays, mais un rapprochement timide et méfiant. Si les deux frères ennemis ont accepté d'ouvrir un passage au milieu de la ligne de contrôle qui sépare le Cachemire pakistanais du Cachemire indien, les autorités d'Islamabad ont refusé l'aide des hélicoptères envoyés par New Delhi car elles exigeaient que ces appareils soient pilotés par des Pakistanais. En outre, cette trêve sur fond de catastrophe naturelle n'a pas empêché l'assassinat d'un politicien cachemiri modéré, ni des actions terroristes perpétrées à Delhi par des groupes islamistes proches du pouvoir pakistanais. La tension demeure donc, et l'on peut s'étonner de la passivité de la communauté internationale qui ne fait guère d'efforts pour mettre fin à ce conflit. Exactement, comme si on feignait d'oublier que le Pakistan et l'Inde détiennent désormais l'arme atomique. Monsieur X revient aux sources de cette guerre par procuration qui peut dégénérer à tout moment et où l'on retrouve l'ombre de Ben Laden et des services secrets. On l'a souvent appelé la Suisse de l'Asie. Et ben c'est là par exemple que l'été, les colons britanniques venaient se reposer et échapper à la touffeur du climat indien. Un endroit enchanteur, parsemé de lacs, de maisons de bois sculptées et pourvu d'une végétation luxuriante où poussent quantité d'arbres fruitiers. Ah ben c'est l'Éden en somme. Ah oui, vous ne croyez pas si bien dire. Vous avez certainement entendu parler des jardins de Shalimar. Oui, bien sûr. Et puis il y a en fond ce prodigieux décor de l'Himalaya. C'est pourquoi la vallée du Cachemire a longtemps été un paradis pour touristes. Et malheureusement pour les Cachemiris, la guerre a peu à peu chassé les voyageurs. Oui, mais attendez, au Cachemire, il n'y a pas que la vallée. Bien entendu, mais même si la montagne est beaucoup moins peuplée que la vallée, il existe de très nombreux villages situés en haute montagne et très difficiles d'accès. Et le récent tremblement de terre les a dévastés. Oui, c'est pourquoi les secours y sont parvenus très tardivement. Hein. Oui, en tout cas, cette nature exceptionnelle a fait du Cachemire un pays très convoité. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, vous me le reprocheriez. Certainement, oui. Brièvement, il vous faut tout de même savoir que cette terre hindoue a été islamisée au XIVe siècle. Et ce pays, qui a été parfois indépendant, va connaître de nombreux maîtres, les Moghols, puis les Afghans, les Sikhs. Et puis pour finir, les Britanniques. Oui, hein. Qui vont coloniser tout le sous-continent indien. Et toutefois, la Grande-Bretagne consent au Cachemire une certaine autonomie sous la tutelle d'un maharaja hindou de la dynastie Singh. Il faut dire que lors de la célèbre et sanglante révolte des Sipahis, le maharaja de l'époque a choisi le camp britannique et aidé le colonisateur. Ouais. Enfin, je retiens, le Cachemire est musulman. Majoritairement. Alors, pourquoi, en tout cas, pouvait-il s'accommoder d'un souverain hindou? Ben, il faut tout de suite dire que l'islam traditionnel tel qu'il était pratiqué par les Cachemiris était d'inspiration soufie et donc dépourvu de tout sectarisme. Et dans les villages, les pandis et les musulmans vivaient en parfaite harmonie. Les pandis... Des brahmanes, appartenant donc à la caste supérieure. Je dois aussi vous dire que le Cachemire est et était un vrai puzzle religieux et culturel. Le Ladakh, par exemple, dans la haute vallée de l'Indus, est plutôt bouddhiste. D'autres régions, celles qui sont les plus proches du Pakistan, sont entièrement musulmanes. Tandis qu'au sud, dans le Jammu, on est hindouiste. Et il faudra encore relever que chez les musulmans, il y a les chiites et les sunnites. Ça, c'est une mosaïque très compliquée, hein. Ça fait combien d'habitants? Bon, environ 15 millions. Mm-hmm. Enfin, quoi qu'il en soit, et malgré cette diversité, les Cachemiris s'entendaient plutôt bien. Toutefois, ça commence à se gâter au XXe siècle, dans les années 30. Mmh, mais pour quelle raison, alors? Il naît alors un mouvement de contestation contre l'autocratie du Maharaja. deux mouvements, en réalité. D'abord, une formation islamique, la Conférence musulmane. Puis, la Conférence nationale, dirigée par le cheikh Abdullah, un homme qui va jouer un grand rôle dans l'histoire de son pays. J'ajoute que ce dernier mouvement, qui regroupe essentiellement des musulmans, est pourtant résolument laïque et partage les valeurs du parti indien du Congrès, le parti de Nehru, qui, tout en réclamant l'indépendance, prône le respect et la coexistence de toutes les religions. Au sein d'un même État. C'est ça. Ouais. Mais à peu près au même moment, et alors que l'indépendance de l'Inde semble inéluctable au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un autre homme fait entendre sa voix, Mohammed Ali Jinnah. Ça, c'est un islamiste, hein? Non, pas vraiment. Bon, en tout cas, pas dans le sens qu'on accorde aujourd'hui à ce mot. Jinnah, qui est un musulman sincère, mais pas du tout extrémiste, estime que dès que la Grande-Bretagne accordera l'indépendance, il faudra séparer l'Inde en deux États. Oui, c'est un État musulman au nord, hein, c'est-à-dire le Pakistan actuel. Et un État hindou au sud. Mmh. Et donc, une répartition démographique en fonction de la religion de chacun. C'est cela. Mmh. Et vous le savez, car nous en avons parlé, ça va donner lieu à une formidable migration de population. Ouais, qui va s'accompagner de troubles très importants. Ah oui, des vrais massacres, oui, entre les deux communautés. La partition intervient donc en 1947 sur des bases confessionnelles. Mais si le tout nouveau Pakistan devient clairement un État musulman, l'Inde, au contraire, se veut laïque. Ouais. Donc, seul le Pakistan s'est créé sur une base religieuse. Oui. Alors revenons à l'histoire du Cachemire. Vous savez ce que veut dire Pakistan ? Oui, le pays des purs, hein, si je me souviens bien. En effet. Ouais. Mais c'est aussi un acronyme. Chaque lettre ou groupe de lettres représente une des provinces du pays. Et dans Pakistan, le K signifie Cachemire. Ce qui veut dire alors que les dirigeants de ce nouvel État considèrent que le Cachemire fait partie de facto de leur pays. Naturellement. Et pour eux, c'est assez logique, puisque c'est un territoire peuplé majoritairement de musulmans. Ah, et que la partition se fait sur une base religieuse. D'ailleurs, un autre territoire princier, dont j'ai oublié le nom, d'abord attribué au Pakistan, a été rétrocédé à l'Inde, parce qu'il était peuplé d'une majorité d'hindous. Il faut dire que la situation était très compliquée. Il existait 565 états princiers, et le colonisateur avait décidé que ce serait à ces états de choisir leur attachement à l'Inde ou au Pakistan. Mais il n'y avait pas toujours coïncidence entre la religion du prince et celle de son peuple. Comme au Cachemire. Oui, oui, oui. En tout cas, ben, si je vous ai bien compris, hein, les revendications pakistanaises sur le Cachemire sont assez légitimes puisque les musulmans, ils sont les plus nombreux. Ah, sauf que personne n'a demandé leur avis aux Cachemiris, qu'ils soient hindous ou musulmans. Ni l'ancien colonisateur qui a accompagné la partition et fixé les frontières, ni les deux États nouvellement créés. Or, les Cachemiris, hindous ou musulmans, veulent d'abord être Cachemiris. Un point, c'est tout. C'est-à-dire être indépendant. En effet. Une revendication qui est soutenue par le souverain Cachemiri, le Maharaja Hari Singh. Mm-hmm. Qui espère par la même sauver son trône. Bah, bien entendu. Mm-hmm. Mais dès la proclamation de l'indépendance, les choses vont aller très vite. Car cette formation politique dont je vous ai parlé, la Conférence musulmane, réclame aussitôt le rattachement du Cachemire au Pakistan. Et ses partisans passent aux actes. Les tribus musulmanes se révoltent contre le Maharaja et marchent sur la capitale, Srinagar. Et sont-elles soutenues par le Pakistan ? Bah, c'est certain, même si Islamabad dément. Mais on trouve parmi ces insurgés des soldats pakistanais sans uniforme, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ces bandes armées sèment la terreur sur leur passage. Massacres, viols, pillages, enfin le lot ordinaire de ces expéditions. On a difficilement idée des terribles violences qui ont accompagné la fin de la colonisation britannique et la partition. N'oubliez pas que Gandhi lui-même, l'apôtre de la non-violence, sera assassiné par un fanatique hindou en janvier 1948. Et face aux troubles qui ensanglantent le Cachemire, j'imagine que l'Inde ne va pas rester inerte. Bah forcément. Mais ce n'est pas si simple. Car autant les voies d'accès entre le Pakistan et le Cachemire sont naturelles, autant elles sont difficiles avec l'Inde. À cause du relief. En effet. Et pour intervenir efficacement et rapidement, les nouvelles autorités indiennes doivent monter une opération militaire aéroportée. Mais s'agit-il d'une sorte, d'opération humanitaire ? Bien sûr que non. Certes, les parrains indiens vont sauver des vies et éviter que les bandes armées ne prennent Srinagar. Mais à New Delhi, on ne doit pas être mécontent d'avoir été contraint d'intervenir. Parce que l'armée indienne ne repartira plus jamais du Cachemire. Et progressivement, le Jammu et Cachemire, tel est son nom officiel, deviendra partie intégrante de l'Inde. La portion du pays occupée par les soldats indiens, en tout cas. Mmh. Le Cachemire va donc lui aussi faire l'objet d'une partition, c'est ça, hein, à l'image du sous-continent indien. Et cette situation devient un abcès de fixation, un sujet permanent de querelles et même de guerre entre l'Inde et le Pakistan. Alimar, le clown, tel est le titre du dernier roman de Salman Rushdie. Un torrent d'images et d'histoires picaresques et surtout un hommage bouleversant au Cachemire, pays magnifique et martyr. Rushdie, à moitié cachemiri lui-même, évoque dans cet extrait à propos de la future union du musulman Shalimar avec la belle Bouni, fille d'un pandi, l'harmonie qui régnait autrefois. Abdullah parla alors du Cachemiriat, la cachemiritude, le fait qu'au cœur de la culture cachemirienne gisait un fond commun qui transcendait toutes les différences. La plupart des villages bandes étaient musulmans, mais Pachigam était mixte, avec des familles d'origine pandi, les Kaols, les Mesri, et la famille à long nez du baryton, Charga, étant un surnom du coin pour ceux dont l'appendice nasal était long, et même une famille de danseurs juifs. Aussi, avons-nous non seulement la cachemiritude pour nous protéger, mais aussi la pachigamitude. Nous sommes tous frères et sœurs, ici, dit Abdullah. Il n'y a pas de problème hindou-musulman. Deux jeunes cachemiriens, deux pachigamis, souhaitent se marier, c'est tout. Un mariage d'amour convient aux deux familles, et donc, il y aura mariage. Les coutumes hindoues et musulmanes seront toutes les deux respectées. Mais au milieu de cette confrontation entre l'armée indienne et les bandes musulmanes soutenues par le Pakistan, quelle est l'attitude du Maharaja Cachemiri? Hari Singh est un hindou, faut pas l'oublier. Ouais, donc il penche naturellement vers l'Inde. Bah, c'est évident. Et dès que les premiers troubles éclatent, le souverain, abandonnant toute idée d'indépendance, appelle au secours New Delhi et signe un protocole de rattachement à l'Inde. Ouais, là, si je comprends bien, ça va donner une sorte de base légale à l'intervention militaire indienne. Exactement. Et c'est un point capital, car New Delhi ne cessera de mettre en avant cet argument pour justifier son occupation du Cachemire. Seulement, les Indiens oublient de mentionner que selon le processus de rattachement, enfin tel qu'il a été établi par le dernier gouverneur britannique, Lord Mountbatten, il était prévu qu'un référendum viendrait ratifier ou pas cette décision princière. Or, la population cachemirie n'a jamais été consultée. Jamais. Non. Et donc ça entache la légalité de cette occupation indienne. Bien sûr. Le résultat, en tout cas, c'est qu'une véritable guerre va opposer l'Inde et le Pakistan à partir du début de 1948. Bon, ici, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Là, il faut bien expliquer pourquoi, pendant si longtemps, ces deux grands pays vont se battre pour la possession du Cachemire. Ben, j'imagine que c'est à cause de sa situation stratégique, non? Oui, enfin, ça, il suffit de regarder une carte. Le Cachemire se trouve au centre d'une région particulièrement convoitée. Un triangle qui est aujourd'hui nucléarisé. Oui. Inde, Pakistan et Chine. Et oui, oui, en effet. Et puis le Cachemire est aussi au contact de l'Asie centrale, dominée alors par Moscou. Et en période de guerre froide, ça compte. Ouais. Et puis aussi au nord, une frontière avec l'Afghanistan. Oui, un pays que la Russie et la Grande-Bretagne se sont longtemps disputés. Ouais, c'était le fameux grand jeu de l'époque coloniale. Hein. Oui, l'Afghanistan dont l'évolution future va rejaillir plus tard sur la situation du Cachemire. Mais on en reparlera, ça, si vous voulez bien. Mm-hmm. Et enfin, et c'est très important, l'Indus. C'est-à-dire? Ben, le haut bassin du fleuve se trouve au Cachemire. Or, les eaux de ce fleuve mythique sont vitales pour le Pakistan. Quoi? Pour l'irrigation? Et donc pour sa sécurité alimentaire. Par conséquent, et on l'oublie ça trop souvent, le contrôle de la ressource aquatique revêt une importance primordiale. Et elle est à l'origine de nombreux autres conflits. Oui, comme en Palestine, par exemple. Hein, c'est raison, ça. Mais nous nous éloignons, là. Enfin, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, le Cachemire, en dehors de ses richesses naturelles propres, est un pays convoité. Alors, revenons à cette première guerre entre l'Inde et le Pakistan. Très rapidement, Nehru, le premier ministre indien, en appelle à l'ONU. Nehru, qui, il faut le souligner, est originaire d'une caste de brahmanes cachemiri. Ah oui, alors il porte une attention personnelle à l'affaire. Hein. Bah, forcément. Nehru, donc, accuse le Pakistan d'avoir prémédité une attaque contre le Cachemire. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque des soldats pakistanais ont accompagné les bandes musulmanes armées. Et jetant le masque, l'armée pakistanaise entrera en mai 1948 au Cachemire. Mais l'affrontement alors avec l'Inde est direct. Oui, oui, les deux armées sont face à face, tandis que les diplomates onusiens s'agitent et essaient d'obtenir l'arrêt des combats. Enfin, je vous passe les détails qui sont fastidieux. Mais en janvier 1949, un cessez-le-feu est signé. Et on dessine sur les cartes une ligne de cessez-le-feu, nommée à partir de 1972 la LOC, un acronyme qui signifie en anglais la ligne de contrôle. Une ligne qui, aujourd'hui encore, matérialise la frontière militarisée qui existe entre les deux Cachemires. Un mot peut-être sur cette... comment, LOC, LOC, c'est ça ? Oui, volontiers. Cette ligne qui partage le Cachemire est longue de 700 kilomètres et s'arrête au pied des glaciers himalayens. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne se poursuit pas jusqu'à la frontière officielle du Cachemire, à l'est du pays. La frontière avec la Chine, oui. Ouais. Et cette imprécision sera prétexte à une nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan. Une guerre imbécile qui se déroulera à plus de 6000 mètres d'altitude. En effet, enfin, ouais. Bon, enfin, passons, j'y viendrai peut-être plus tard. Alors, cette ligne, les territoires du nord et de l'ouest, ce qu'on va appeler l'Azad Cachemire, c'est-à-dire le Cachemire libéré, sont attribués au Pakistan. Tandis que la vallée du Srinagar, le Ladakh et le Jammu au sud reviennent à l'Inde. Il me semble que dans... ce partage, les Indiens ne sont pas maltraités. Certains, oui. L'instance internationale ne les a pas défavorisés, mais bien au contraire. Et pourquoi alors ? À cause de la plainte déposée contre le Pakistan ? Vraisemblablement. Et puis disons-le franchement, dès cette époque, l'Inde jouit d'un préjugé favorable. Ah oui, parce que le Pakistan est un État musulman et que l'Inde est laïque. C'est probable. Cette partition du Cachemire doit, en tout cas... anéantir toute velléité d'organiser un référendum. Bah évidemment, même si l'ONU feindra d'y croire encore. Et le Pakistan et l'Inde, dans les zones qu'ils contrôlent respectivement, vont tout faire pour intégrer ces territoires. Pour les assimiler. Oui, oui, ce qui ne pose pas trop de difficultés pour les Pakistanais, puisque le principal parti, la conférence musulmane, préconisait depuis longtemps le rattachement à Islamabad. De l'autre côté, dans le Cachemire indien, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Ben d'abord parce que, contrairement au Pakistan, où c'est l'armée qui va faire rapidement la loi... Une dictature, hein ? En effet. Et qui va flatter le nationalisme pakistanais, en particulier au sujet de la question du Cachemire. Par contre, l'Inde, elle, est une démocratie. Et il existe dans le Cachemire indien une formation politique dont je vous ai parlé, la Conférence nationale, dont le leader, le Cheikh Abdullah, est un ami de Nehru. Et son programme politique est assez proche de celui du parti de Nehru. Oui, ça devrait faciliter les rapports. En principe, oui. Mais vous allez le voir, ça va très vite se gâter. Ouais. Toutefois, n'allons pas trop vite, c'est bien ça. Bon, écoutez, pas d'impertinence, Monsieur Penaud, bon, si vous voulez bien. Dès 1948, c'est dire avant même le cessez-le-feu, Abdullah est donc désigné comme Premier ministre du Cachemire. Désigné par qui ? Par le Maharaja, qui est encore en place et qui n'a guère le choix. Abdullah est un personnage charismatique qui est reconnu par tous, musulmans et hindous mélangés. Et puis, son programme, plutôt socialisant, prévoit une réforme agraire indispensable tant les injustices sont criantes. Mais quelle est vraiment sa position vis-à-vis de l'Inde ? Vous voulez dire, est-ce un indépendantiste ? Ouais. Eh bien non. Non, Abdullah est plutôt un autonomiste. Il voudrait que son pays demeure associé au grand voisin indien tout en gérant lui-même un certain nombre d'affaires intérieures. Et lors de la promulgation de la Constitution de la République indienne au début de l'année 1950, il obtient un certain nombre de garanties. L'Inde de Nehru reconnaît la spécificité du Cachemire. Et tout laisse penser que l'association du Cachemire avec le vaste ensemble indien sera couronnée de réussite. Oui, mais vous m'avez dit, ça va pas durer. Bah, Abdullah supporte en effet de moins en moins la tutelle indienne. Car au fond, le dessein de New Delhi, c'est de faire du Cachemire un État indien comme les autres. Ah ouais, alors adieu les spécificités. Et les relations entre Nehru et son ami Abdullah se tendent. À tel point qu'en 1953, le leader cachemiri se risque à parler d'indépendance. Il est aussitôt viré et conduit en prison. Et on voit là les limites de la démocratie indienne. Oui, oui, car Nehru, en l'occurrence, se conduit comme l'ancien colonisateur. Et il en donne rapidement la preuve en grignotant peu à peu le degré d'autonomie du Jammu et Cachemire. Grâce à un premier ministre pro-indien aux ordres et à une assemblée docile, le gouvernement de New Delhi s'octroie le droit de légiférer au Cachemire et pas seulement dans les trois domaines régaliens reconnus au départ par Abdullah. Ouais, c'est-à-dire quoi, la défense, les affaires étrangères... Et les communications. Ouais. Et cette politique de grignotage s'achève en 1957. L'assemblée cachemirie vote le rattachement pur et simple du Jammu et Cachemire à l'Union indienne. Et comme si cela ne suffisait pas, le pays est doté d'un gouverneur indien. C'est une tutelle directe. Oui, oui, car New Delhi s'autorise à suspendre le gouvernement et même à dissoudre l'assemblée. Et cette annexion, de fait, obtenue grâce à la corruption et à la fraude électorale, va aboutir à une mobilisation de l'opposition et même encourager le Pakistan à tenter une nouvelle aventure militaire. Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, est un spécialiste incontesté de l'Inde. Dans son ouvrage « Cachemire au péril de la guerre », il analyse ainsi l'évolution du Cachemire après l'éviction d'Abdullah et son remplacement par Bashki Mohamed. Cette érosion de l'autonomie eût peut-être été plus facilement acceptée si les investissements consentis par l'Union indienne en faveur du Jammu et Cachemire, considérables, n'avaient pas aussi nourri la corruption et si la vie politique n'avait pas tant prêté le flanc à la critique. Ce n'était pas le cas. Le mode de gouvernement de Bakshi Mohamed multiplia les défections tout en pourchassant l'opposition. En 1955, un adjoint de la première heure de Sher Abdullah, Mirza Afzal Beg, créa le front du plébiscite où se retrouvèrent beaucoup d'anciens de la conférence nationale ne voulant pas suivre Bakshi. En 1962, les élections à l'Assemblée, grossièrement manipulées par la fraude, l'intimidation et la censure, donnèrent du régime une triste image. La dissolution de la conférence nationale au pouvoir en janvier 1965 et l'annonce concomitante que le Congrès national indien, le parti gouvernant l'Inde sans discontinuer, établissait une section au Cachemire, confirmèrent aux yeux de mains cachemiries que l'intégration à marche forcée ne reculait devant aucun moyen. Le livre de Racine a été publié par Autrement. Combien de temps Abdullah est-il resté en prison? Je crois qu'il a dû être libéré en 1958. Non, il a été emprisonné 5 ans. Et à peine libéré, le lion du Cachemire, comme ses partisans l'appellent, repart au combat. Toujours pour l'indépendance? En tout cas, il agite à nouveau cette idée du référendum. Oui, un référendum, il faut le rappeler, hein, qui est prévu à la fois par l'ancien colonisateur et l'ONU. Et également les Pakistanais, mais toujours refusé par les Indiens. Ouais, de crainte de le perdre. Et d'être obligé de laisser les clés aux Cachemiris, ou pire, aux Pakistanais. Par conséquent, Abdullah indispose de plus en plus les autorités de New Delhi. Et à peine 4 mois après sa libération, il retourne en prison. Déjà. Et que lui reproche-t-on exactement alors? Ses positions sur le référendum? Pas seulement. Opposé à l'occupation indienne, il est accusé d'entretenir des liens avec les Pakistanais. Et aussi avec les États-Unis. Les États-Unis, mais pourquoi là? Washington, toujours dans la perspective de la guerre froide, a noué des relations de plus en plus étroites avec Islamabad. C'est par exemple à partir de bases pakistanaises que les fameux avions espions U-2 décollent pour survoler l'espace aérien soviétique. Ouais, et en contrepartie, le Pakistan bénéficie de l'aide américaine. Naturellement. Et de façon symétrique, l'Inde, qui se range officiellement dans le camp des pays non alignés, entretient d'excellentes relations avec l'URSS. Pour revenir à Abdullah, il est donc pratiquement accusé de trahison. C'est ça. Et il ne sera libéré qu'en 1964, à l'initiative de Nehru. Et c'est assez curieux. Pourquoi? Le vieux leader indien envoie alors le cheikh Abdullah au Pakistan. Et il le charge d'entamer les discussions avec son ennemi, le maréchal pakistanais Ayub Khan. C'est l'homme fort du pays, Pakistan ou Pakistan. Et j'imagine, au menu des discussions, il y a forcément le Cachemire. Évidemment. Oui. C'est donc que l'Inde songe à négocier un accord sur cette question? Oui, Nehru, au soir de sa vie, pense qu'il faut en finir, car le Cachemire empoisonnera toujours les relations entre les deux frères ennemis. Mais il est trop tard. Non seulement parce que Nehru va bientôt mourir, mais aussi parce que, je vous l'ai dit, le Pakistan pense déjà prendre sa revanche par les armes. D'accord, mais est-ce que des solutions ont quand même été esquissées au cours de cette discussion avec le maréchal pakistanais? Tout à fait. Abdullah propose, par exemple, la création d'une confédération indo-pakistanaise. Ça, c'est un rêve, hein? Oui, qui réparerait les drames de la partition de 1947. Mais Ayub Khan n'en veut pas, pour des raisons religieuses, mais surtout parce que, démographiquement, le Pakistan ne ferait pas le poids à côté du géant indien. Et d'ailleurs, je doute que l'Inde aurait accepté. Enfin bon, Abdullah propose aussi un partage du Cachemire. Mais sur quelle base alors? La frontière épouserait le cours de la Chenab, une rivière qui coule au sud du pays. Une solution inacceptable pour l'Inde, car la vallée de Srinagar, le joyau du Cachemire, échapperait à New Delhi. Alors, ça veut dire que Abdullah a échoué. Ah, ça ne l'empêche pas de continuer à chercher une solution. Et il entreprend une grande tournée internationale afin d'inciter des chefs d'État étrangers à s'impliquer dans la recherche de la paix au Cachemire. Toutefois, dès son retour, accusé de menée antinationale, Abdullah est à nouveau arrêté. Et il restera en résidence surveillée pendant les 10 prochaines années. Donc bientôt c'est la guerre ? En 1965, oui. Mais auparavant, un petit retour en arrière. En 1962, un bref conflit a éclaté entre la Chine et l'Inde, sur fond de contestation territoriale dans l'Himalaya. En fait, depuis longtemps, les tensions s'accumulaient entre les deux grandes puissances asiatiques. Et pourtant, l'Inde avait d'abord fait un geste en reconnaissant la souveraineté chinoise sur le Tibet. Mais un geste pas tout à fait désintéressé. C'est-à-dire ? Nehru espérait qu'en retour, Pékin approuverait la tutelle indienne sur le Cachemire. Mais il n'en a rien été. Bien au contraire, car les Chinois vont même obtenir de leur allié pakistanais la cession d'un petit morceau du territoire cachemirien. À l'est, toujours. Hein. Dans les montagnes de l'Aksal Chine, près du Ladakh. Et pour New Delhi, c'est inacceptable. Bien entendu. Mais ce ne sont pas les Indiens qui ont attaqué, mais les Chinois. Et après un mois de guerre victorieuse, Pékin a retiré ses troupes. Ouais, alors c'était quoi, là, cette mini-guerre, là, une petite leçon donnée aux Indiens ? Et une sévère humiliation pour New Delhi. Et ça donne des idées à Islamabad, bien décidé à profiter de cet affaiblissement militaire indien. D'autant, je vous l'ai dit, que dans la partie du Cachemire occupée par l'Inde, l'opposition ne cesse de croître. Le résultat, c'est, à l'été 1965, l'opération Gibraltar. Gibraltar, c'est un nom de code, oui, non ? Oui, oui. Bon. Alors, de quoi s'agit-il ? L'opération consiste d'abord à susciter un soulèvement populaire dans la capitale, Srinagar, puis d'appuyer la constitution d'un gouvernement de libération. Et l'armée pakistanaise n'est pas impliquée ? Bien sûr que si. Surtout au sud, où les militaires doivent couper les lignes de communication de l'armée indienne. Mais cette opération en Gibraltar va se révéler être un gigantesque échec pour le Pakistan et ses troupes. Que se passe-t-il alors ? Contrairement aux espoirs d'Islamabad, les Cachemiris ne se révoltent pas. Et pourtant, les Pakistanais ont pris soin de faire passer la ligne de contrôle à de faux frères Cachemiris, chargés de fomenter des troubles. Des citoyens pakistanais, vous voulez dire ? Bien entendu. Ouais. En outre, les manœuvres militaires pakistanaises sont mal conduites et se heurtent à une armée indienne beaucoup plus solide que prévu. À tel point qu'elle réussit à renverser la situation et même à menacer la ville pakistanaise de Lahore. L'opinion internationale plutôt favorable à l'Inde, victime d'une agression pakistanaise, commence alors à s'inquiéter. Oui, parce que cette contre-offensive indienne risque de remettre en cause le fragile équilibre de la région. Oui, car la Chine s'en mêle. Et cet allié du Pakistan lance un ultimatum à New Delhi. Ouais, ça se complique, là. Et Moscou et Washington doivent à leur tour menacer Pékin. Résultat, en tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU s'en mêle et parvient à obtenir un cessez-le-feu entre les deux belligérants. Ouais, mais globalement, c'est donc un échec pour le Pakistan. Hein. Ouais, oui, d'autant que ce n'est pas rien que l'échec diplomatique est également patent. Car les Pakistanais, en mettant en œuvre cette opération Gibraltar, entendait remettre au premier plan de l'actualité diplomatique la question du Cachemire. Or, il n'en a rien été. C'est ça. Et cette guerre qui a duré un mois se solde simplement par un retour au statu quo, Inde et Pakistan acceptant de renoncer aux quelques gains territoriaux qu'ils avaient acquis. Une guerre pour rien. C'est la vérité. Mais même si les deux parties signent, grâce à l'URSS, un accord où ils promettent de ne plus utiliser la force pour régler leurs différends, il est évident que tôt ou tard, un nouveau conflit éclatera. Toujours à cause de cette question du Cachemire. Pas seulement. Enfin, nous verrons ça dans un prochain entretien, car c'est encore une très longue histoire. Et le Cachemire est loin d'en avoir fini avec la violence. D'autant plus que l'émergence du terrorisme islamiste envenimera la situation au cours de ces dernières années. Mais avant de nous quitter pour aujourd'hui, je voudrais évoquer deux fortes personnalités qui, chacune dans leur pays, vont exercer une énorme influence. Le premier, c'est Ali Zulfikar Bhutto. Ce rejeton d'une grande famille patricienne pakistanaise, après avoir été ministre du maréchal Ayub Khan et poussé à la guerre de 1965, passe à l'opposition très rapidement. Et il prend la tête d'un parti, le PPP, partie du peuple pakistanais. Alors, a priori, c'est donc un belliciste. Et un islamiste convaincu. C'est lui aussi qui lancera son pays dans l'aventure nucléaire. Oui, je me souviens, il veut construire la première bombe nucléaire musulmane. Oui, hein. Mais c'est pourtant ce même homme qui, en 1972, devenu président de la République, tentera sérieusement de résoudre le conflit latent qui oppose son pays à l'Inde. Curieuse destinée, quand même. Et le deuxième personnage important? C'est le premier ministre indien avec lequel, ou plutôt avec laquelle, va discuter plutôt. Mais c'est Indira Gandhi. La fille de Nehru, oui. Lorsque les politiciens indiens ont vu cette femme accéder aux premières marches du pouvoir, ils se sont d'abord gaussés. Mais Indira n'a pas tardé à leur montrer qui elle était. Et la dame de fer indienne. Autant dire que Bhutto aura en face de lui un adversaire coriace. Eh bien, malgré tout, ces deux nationalistes intransigeants aboutiront à la signature d'un traité de paix. Un accord qui aurait sans doute pu régler le conflit indo-pakistanais et la question du Cachemire, s'il avait été appliqué avec sincérité des deux côtés. Un dernier mot, enfin. Je vous écoute. Hein. Certes, la question cachemirie peut nous sembler, à nous, Européens, très lointaine. Et pourtant, elle nous concerne de très près. Pour quelle raison? Sachez seulement que les islamistes qui ont récemment semé la terreur dans les transports publics londoniens avaient été formés dans les camps d'une organisation nommée Lashkar-e-Taiba, c'est-à-dire l'armée des purs. Des terroristes qui entendent d'abord arracher le Cachemire à l'Inde avant de semer des troubles dans le monde entier. Les grandes puissances, même si elles n'ont pas réellement contribué de façon très active à régler la question du Cachemire, ont toujours joué un rôle dans la région. Aussi, pour terminer, je vous propose l'analyse de l'historien Christophe Jaffrelot, qui a publié en 2000 un livre sur le Pakistan paru chez Fayard. Je le cite. Sur l'échiquier des puissances, Inde et Pakistan disposent en réalité de peu d'autonomie. Ils sont, pour partie, des pions dont usent Washington, Moscou et Pékin dans leurs conflits croisés. Washington a fourni une aide militaire au Pakistan contre l'URSS et en fournit une autre à l'Inde contre la Chine. Le département d'État a pour objectif essentiel de creuser le fossé entre l'URSS et la Chine sous Khrouchtchev. Les liens étroits entre l'Inde et l'URSS et la tension sino-indienne servent ce projet que ne contrarie pas le léger réchauffement russo-pakistanais. Quant aux différents indo-pakistanais, ils servent les trois puissances en ce qu'ils compromettent l'émergence d'un nouvel acteur de poids en Asie du Sud. Dans de telles circonstances, les dirigeants pakistanais vont commettre deux lourdes erreurs d'appréciation, surévaluant leurs appuis extérieurs, sous-évaluant leur faiblesse interne. La première de ces erreurs, c'est la guerre indo-pakistanaise de 1965 dont vient de parler Monsieur X. Et la deuxième, ce sera la guerre de 1971. Nous verrons cela la semaine prochaine.